souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Nizerai monima de Tsimametraka, Fitoki Senatateraka, Elegemata, Famanu Sekazi Futsne, Andeha Arakazihitsi, Si Ilan Vokaj. Même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Les étrangers se sont retirés et les malgaches, eux, continuent à s'interroger. Pourquoi ne réussissons-nous pas? Voici déjà un an, l'île de Madagascar traversait une zone de turbulence politique parmi les plus fortes de son histoire. Une histoire déjà marquée par des événements forts qui, depuis l'insurrection de 1947 au régime du président Ratsirak, en passant par l'indépendance de 1960, avait déjà plongé l'île Rouge dans des périodes de troubles profonds, l'empêchant de dépasser ce désespérant seuil de pauvreté qui place Madagascar, depuis trop longtemps, dans les tout derniers rangs des pays sous-développés. Une succession de blocages, de choix politiques incertains, qui ont également, lors de toutes ces périodes, poussé les habitants à des mouvements de contestation, débouchant la plupart du temps sur des semaines entières de répression, installant sur l'île un théâtre de violence et de mort. Il y a donc une année, le pouvoir du président Ratsirak, déjà amplement malmené une première fois en 1991, nous l'évoquions hier, était cette fois-ci contraint à un véritable bras de fer avec l'arrivée en lice d'un nouveau candidat qui, dès le premier tour de scrutin de l'élection présidentielle, s'auto-proclamait président de Madagascar. Pour en savoir un peu plus sur tout cela, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Gaël Mocquer. Donc je m'appelle Gaël Mocquer, je suis réalisateur de documentaires principalement. J'ai commencé par faire du montage et je vis à Paris. Ça, je m'intéresse principalement à l'Afrique, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. De 0 à 22 ans ? Voilà, de 0 à 22 ans, oui. Avec des petits voyages en France, un mois, deux mois. Par quel hasard, coïncidence, parachutage ? Parachutage, oui, parce que mon papa est parachutiste. Donc, oui, c'est un... Je l'ai pas fait exprès, je vous jure. Non, j'imagine. Mais oui, mon père est un ancien militaire et je l'ai suivi partout. Il était muté pour la coopération. Donc vous aviez fait, en l'occurrence, quel pays ? Oui, j'ai fait 17 pays, donc je n'ai peut-être pas tous les visités. Mais principalement l'Afrique noire, quoi. Absolument pas le Maghreb, mais toute l'Afrique noire et puis l'Afrique du Sud, tout l'océan Indien. Donc vous avez fait également vos études là-bas. Et à partir de quand vous êtes décidé à vous dire, tiens, avec une caméra, ça irait mieux ? Eh bien justement, quand j'étais en Côte d'Ivoire et quand je faisais mon service militaire en 92, parce que j'ai fait deux fois le tour de la Côte d'Ivoire et une troisième fois avec la caméra, parce qu'il y avait vraiment plein d'histoires à raconter, des belles histoires, des histoires de villages, comme on n'en entend plus beaucoup. Et là, je me suis dit que c'était ça, quoi. Il fallait que je raconte l'histoire des gens, quoi. Avec une caméra, ça, parce que ça aurait pu être avec un crayon, un stylo ou... Ouais, mais la caméra me semblait plus parlante, quoi. C'est dur quand on revient d'un voyage comme ça de raconter aux gens. J'ai pas vraiment la fibre d'un écrivain, même si je suis auteur, et c'est dur de raconter aux gens ce qu'on a, les images qu'on a dans la tête. Et je trouvais que c'était un bon moyen de raconter des histoires en faisant du documentaire. Qu'est-ce que c'est pour vous l'Afrique ? Vous mettez quel mot là-dessus ? L'Afrique, c'est dur de définir, c'est mon paradis, quoi. « Alors, vous avez fait le pas de quitter un peu le continent africain pour aller un peu plus loin dans l'océan Indien et Madagascar. Alors, ça s'est fait comment, Madagascar ? J'habitais à l'époque aux Comores. On a fait un voyage en famille en 88 et j'en ai gardé des très bons souvenirs. Et il y a à peu près, donc c'était en 99, j'y suis retourné. Et là, j'y suis resté 6 mois avec ma caméra à filmer les gens, à faire 2 fois aussi le tour de Madagascar en taxi-brousse, en train. C'est des gens formidables parce qu'ils sont adorables. Contrairement à l'Afrique, ils sont pas aussi, je dirais, agressifs. Ils ont laissé tomber un peu la violence africaine, mais ils ont gardé toute leur chinoiserie. Comme c'est un peuple à moitié africain, à moitié asiatique, on pourrait le définir comme ça, quoi. Et ils sont très très accueillants, très gentils et ils m'ont touché, quoi. Donc j'y suis resté très longtemps. Alors vous êtes là-bas pendant 6 mois et puis. Comment se fait l'articulation au moment où vous chopez les événements de violence qui sont les premières images de votre documentaire ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'y suis allé la première fois, donc ça c'était en 99, j'ai fait un premier film d'abord qui s'appelle Une ombre entre deux roues, qui raconte l'histoire d'une communauté de paysans, tireurs de pousse-pousse, artistes et musiciens, qui sont en fait les parias de la société malgache. J'ai fini ce film-là, j'ai mis 2 ans à le faire. Parce que j'avais pas de moyens, j'avais pas de producteur, donc je l'ai fait petit à petit chez moi, avant de trouver un producteur il y a 1 an. Et quand la crise a éclaté à Madagascar, évidemment je pouvais pas rester insensible, donc je suis reparti là-bas. Décembre 2001 et juillet 2002, Madagascar a connu une des plus graves crises de son histoire. Pendant 7 mois, Didier Ratsirak et Marc Ravalomanana, tous deux candidats à la présidence de la République, se sont affrontés pour le pouvoir. La guerre entre les deux hommes a fini par détruire et ruiner Madagascar. L'île a été coupée en deux et la population n'a jamais autant souffert d'une querelle politique. Les armes ont parlé. La folie et les violences ont fait le reste. Les conséquences économiques, sociales et sanitaires sont catastrophiques. Voici les chroniques de ces 7 mois de chaos. Entre une année 1991 où Madagascar se trouve avec un président et 2 gouvernements et une année 2001 où ce sont cette fois 2 présidents qui se retrouvent dans le même fauteuil, on peut dire que l'île rouge a un rapport avec sa démocratie des plus expérimentaux. On retrouve Gaël Moker. C'est une démocratie entre guillemets à l'africaine, c'est-à-dire qu'ils essayent d'appliquer une démocratie locale au niveau national. C'est-à-dire que nous on reproche toujours encore aujourd'hui aux pays africains de ne pas être démocrates, alors qu'ils sont démocrates par nature, enfin de nature quoi. Ce que j'explique dans le film, c'est que la démocratie locale marche très très bien. Quand il y a une route par exemple à construire dans un village, ça se vote à main levée. Et ça marche très très bien. Là, quand on passe au niveau national, que les malgaches doivent aller dans des isoloirs, déjà ils trouvent ça bizarre de se cacher pour devoir voter. Il y a quelque chose pour eux qui n'est pas normal. Et dès qu'on passe au niveau national, c'est la dérive démocratique, comme on la connaît en Afrique, non démocratique plutôt, avec la corruption, l'abus de pouvoir, etc. quoi. Est-ce que vous savez que dans notre pays, les corruptions sont étalées au grand jour dans la presse, quasiment avec preuve à l'appui, et il n'y a personne qui soit sanctionné, qui soit condamné par la justice pour ces actes de corruption. Il y a une impunité d'une impunité totale. Les politiques, quand ils sont interpellés sur le problème de corruption, vous répondront « Mais la corruption existe partout. » Donc, je tiens d'abord à dire que ce n'est pas parce qu'il y a de mauvais élèves qu'on a le droit d'être un mauvais élève. Ça n'excuse en rien. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si la corruption existe dans des pays, c'est une question d'ampleur. Ici, dans notre pays, la corruption existe à tous les niveaux, à tous les échelons. 25 janvier, La haute cour constitutionnelle ne reconnaît pas les fraudes organisées par Didier Ratsirak et donne son verdict. Didier Ratsirak, 40% des voix, et Marc Ravalomanana, 46%. Un second tour est donc prévu. Mais Marc Ravalomanana refuse ce verdict et met en cause la légitimité de cette cour. Tous les juges sont des hommes de main de Didier Ratsirak mis en place quelque temps avant les élections. Nous l'évoquions cette semaine en entendant l'interview du conseiller français auprès du gouvernement malgache, vouloir calquer sur Madagascar des méthodes marchant ailleurs, en France notamment. Voilà bien l'une des innombrables erreurs qui ont été faites sur l'île, comme sur bon nombre de territoires au cours de la longue période de la décolonisation. On retrouve Gaël Mocquer. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on essaye de leur imposer un manuel de procédure. Sauf que on prend pas en compte leur culture, on prend pas en compte leur histoire et on prend pas en compte leur façon de penser, quoi. La mentalité malgache, c'est quelque chose de très très complexe, de très difficile à saisir, de très difficile à comprendre. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, ils disent jamais non, c'est-à-dire qu'ils vont toujours dire oui par extrême politesse. Donc quelqu'un qui arrive là-bas et qui se voit jamais dire non va pouvoir faire plein de choses et en fait il va se rendre compte qu'il fait rien du tout. Excusez-moi, c'est politesse ou lâcheté ? C'est plus compliqué que ça. C'est à la fois de l'extrême politesse quand on est dans les campagnes, parce que les gens ont encore une idée de la France qui date d'il y a 50 ans. Par contre, c'est plus fourbe, on va dire, en ville. C'est-à-dire qu'ils jouent de ça. Alors mettre de côté la culture malgache, bah, c'est un peu stupide, d'autant qu'elle a cette capacité extraordinaire de rebondir sur les événements politiques qui la plongent un peu dans l'abîme avec ses chansons. À Madagascar, il y en a deux présidents, un qui est gentil et l'autre il est méchant. Oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo. C'est un groupe de jeunes qui a entre 14 et 15 ans, qui est à Antsirabe, donc au centre de Madagascar. 14 et 15 ans ? Oui, ils ont entre 14 et 15 ans. Donc ils sont très très doués hein, musicalement, les malgaches en général, et puis ils ont une culture orale, une culture de la musique et pas du tout une culture de l'image, quoi. Donc ils sont de toute manière, on va dire, très précoces musicalement. Et c'est des jeunes que j'ai rencontrés il y a 2-3 ans, qui essayent de faire de la musique, qui essayent de percer un peu, et puis là, ils ont composé une chanson un peu sur le vif. Et la chanson est assez marrante, ouais, parce qu'elle parle de Ratsirak qui vole, qui coupe les routes, etc. Et de Ravaloman qui est le roi du yaourt. C'est un regard assez naïf, assez ironique, mais c'est très représentatif de ce que pensaient les gens, en tout cas sur les hauts plateaux. Voilà, et est-ce que c'est représentatif d'une certaine tendance de la scène musicale à Madagascar qui aurait cette ironie ? Pas forcément, non. À Madagascar, la scène musicale émergente, en tout cas, y a un truc qui marche très très bien en ce moment, c'est le hip-hop. Par contre, traditionnellement, c'est plus des chansons quand même d'amour, on va dire, hein, depuis 30 ans, que ce soit avec Maléo, donc le groupe phare de Madagascar qui a mené les révolutions étudiantes en 72, ou d'autres artistes comme Rossi ou Lex, et que c'est quand même souvent des histoires, relations hommes-femmes et des histoires d'amour. Ils aiment beaucoup les chansons d'amour. Sina si veri fanar. ce qui vit sa vie manokena et fayel ngari tanya fi fauri ani ura nokena et itiri ni buze na fafe. Retour à Histoire Vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Soyez prudents et même très prudents si vous circulez sur les autoroutes de la Riviera Vaudoise. Des objets ont été perdus aux endroits suivants. Sur l'A9, l'autoroute A9 entre Martigny et Vevey, entre Villeneuve précisément et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Mais aussi sur l'A12, Fribourg-Vevey, entre Châtel-Saint-Denis et l'échangeur de la Vère en direction de Vevey, donc à la descente. Prudence aussi si vous circulez sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Des objets jonchent la chaussée entre Gland et Rolles en direction de Lausanne. Et puis sur l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne, un poids lourd en panne perturbe la circulation entre Chavornay et Cossonay en direction de Lausanne. Et puis aussi une information qui concerne le trafic ferroviaire, la perturbation entre Sion et Lehèche a pu être levée. Il faut cependant encore s'attendre à d'éventuels retards et suppressions. Retour à la crise à Madagascar, retour à Gaël Moker, ce jeune réalisateur qui, amoureux de l'Afrique dans laquelle il a vécu pendant 22 ans, n'a eu qu'un pas, enfin qu'une brasse pour se rendre à Madagascar au moment des événements de la fin de l'année 2001. Vous vous rappelez sans doute que pour Tombouctou 52 jours, Cyril Desprats s'était rendu sur place. Il avait lui aussi pu se rendre compte du tumulte invraisemblable qui avait secoué l'île. Ce sont ces sons, ces ambiances magnifiques que vous avez pu entendre toute cette semaine qui nous ont accompagnés. On en profite pour le remercier très chaleureusement. On va en revenir à Gaël Moker. Je lui ai demandé si, selon son point de vue, il y avait sur l'île une certaine immaturité politique ambiante. Je ne pense pas que les Malgaches soient immatures politiquement. Enfin, je n'ai aucune légitimité pour pouvoir dire ça. Je crois simplement que, avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas s'en sortir comme beaucoup de pays en Afrique, parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils ne sont pas indépendants et parce qu'il y a un système qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelle le FMI et la Banque mondiale, qui pousse les pays à s'endetter avec des prêts et qui les oblige à rembourser. Et ils savent pertinemment en donnant ces prêts-là que les pays ne peuvent pas rembourser. Donc politiquement, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, surtout que... Ils réalisent Ratsirak après l'avoir chassé, et puis le gars était chassé pour, disons, ses faits d'armes, donc... Oui, mais alors ça, c'est pas... C'est-à-dire que moi, quand j'entends le terme immaturité politique, ça veut dire qu'ils sont pas compétents politiquement. Moi, je pense qu'ils sont compétents politiquement, mais qu'ils ont pas forcément... dès qu'ils ont le pouvoir, ils ont la volonté de travailler pour eux, quoi, et pas pour les gens, quoi, ils oublient les gens. Oui, alors la question de l'immaturité était beaucoup plus sur l'électeur que sur le personnel politique. Ouais. C'est quand même troublant de se dire que Ratsirak, après être resté 10 mois enfermé dans son palais et avoir été chassé pour fraude, malversation, blocage du pays, et après beaucoup d'années de pouvoir, revient, que je crois que c'est 4-5 ans après, quelque chose comme ça. C'est étonnant, comme si ça n'avait servi à rien. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est que ça n'a servi à rien. Et là, c'est surtout dû au fait que une grosse partie de la population est analphabète et pas éduquée. Dès qu'il n'y a pas d'éducation, dès que les gens ne peuvent pas prendre de recul sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, bah évidemment, oui, ils sont manipulés, ces gens-là. Le PNB est toujours aussi bas. PNB est toujours aussi bas, c'est toujours un des pays les plus pauvres du monde. Là, depuis la fin de la crise, le pays redémarre, on va dire, très très lentement, quoi. Est-ce qu'il y a des possibilités d'ouverture? Parce que ça fait longtemps qu'on parle quand même des richesses de Madagascar. Est-ce que Madagascar a une chance de trouver l'issue? À Madagascar, il y a un dicton qui dit « on n'a pas la montre, mais on a le temps ». Donc ils ont quand même un regard assez clair sur ça. Par contre, les richesses existent, mais moi je suis relativement pessimiste parce que de toute manière, même si les richesses existent, ils n'ont pas les moyens d'exploiter ces richesses-là. Donc ils s'endettent et ils n'ont pas les moyens d'investir dans du matériel pour exploiter les mines, pour exploiter le bois, pour exploiter etc. Alors qu'il y a des compétences, et il y a quand même des compétences, même si l'éducation laisse vraiment à désirer. Et la formation aussi, il y a quand même des compétences. La cotonnade Ansirabe, la plus grosse entreprise du pays, ferme ses portes. 4500 personnes se retrouvent sans emploi. Les barrages associés aux semaines de grève dans la capitale ont fini par ruiner l'économie de tout le pays. Tous les secteurs sont touchés. Beaucoup de commerces sont fermés. Problèmes de livraison, exportations bloquées, commandes annulées. Dans l'industrie, c'est le secteur textile qui est le plus affecté. La quasi-totalité de nos entreprises est à l'arrêt. Donc sur 100 000 personnes, il reste environ 10 000 personnes qui sont au travail. Donc 90 000 personnes aujourd'hui sont au chômage technique. Malheureusement, certains clients ont pris la décision de quitter définitivement Madagascar, ce qui a induit un licenciement de l'ordre de 30 000 personnes. Ce qui, à nos yeux, est dramatique et catastrophique, c'est d'abord de constater qu'en l'espace de 5 mois, nous ayons pu perdre quasiment le travail que nous avons fait depuis 10 ans. Donc ça, c'est extrêmement douloureux. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est de constater que des collaborateurs vont se retrouver très rapidement dans une situation de misère qui est intolérable, absolument intolérable. Autre secteur particulièrement touché, celui du tourisme. En 2001, on a recensé 187 000 voyageurs. Depuis le mois de janvier, ils n'ont été que 500 à venir à Madagascar. Les plages sont désertes. Les hôtels et les restaurants ont fermé les uns après les autres. On n'a plus un client. Je dis bien plus un client. On doit réaliser, je pense, 2 couverts par semaine. Donc, vivre de cette manière-là, bon, ben, ça devient pratiquement impossible. Et à terme, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi ? Moi, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai bâti ça. J'aimerais pas repartir avec quand même mes valises et perdant tout l'acquis de 11 ans de travail. Voilà, c'est un appel. Un espoir à fonder sur ce nouveau président. Est-ce qu'il a pour l'instant pris des mesures qui permettent de se dire il y a du réalisme et du pragmatisme d'envers? Oui et non, parce que les gens donc attendaient beaucoup de Marc Ravalomanne, sauf qu'ils attendaient beaucoup tout de suite, hein, parce que évidemment les paysans, les pêcheurs qui représentent 75% de la population et qui sont bloqués, qui sont totalement bloqués là, avec... ils vivent pas demain, ils vivent aujourd'hui, donc ils attendaient des mesures concrètes. Et il n'y a aucune mesure concrète, on va dire, qui a été prise pour le moment. Les mesures qui ont été prises à la sortie de la crise, je dirais, donc au mois de juillet, le Madagascar a reçu 2,3 milliards de dollars d'aide de la Banque mondiale et des principaux bailleurs de fonds comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Et cet argent, ils n'en voient pas encore les retombées, on va dire. Donc c'est toujours un peu pareil, c'est qu'il y a des aides et puis les petites gens, entre guillemets, n'en voient pas les retombées économiques. Gaël Mocker, vous êtes un gars courageux, vous partez 6 mois sans être forcément soutenu par qui que ce soit et puis vous vous lancez comme ça dans un documentaire. Vous faites quoi en ce moment-là, aujourd'hui ? En ce moment, je travaille sur la Côte d'Ivoire, sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que, évidemment, j'ai vécu donc 2 ans là-bas, et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est tout aussi dramatique que ce qui s'est passé à Madagascar, si ce n'est pire, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est une poudrière, et ça risque d'enflammer, enfin, la guerre en Côte d'Ivoire risque d'enflammer, en fait, tout ce qu'on appelle la sous-région, donc tout le golfe de Guinée. Avec le Ghana, le Mali, le Libéria. Oui, il y a au moins 5 ou 6 pays qui sont immédiatement dans les dominos. Là, oui. Madagascar, il n'y a pas de frontières, j'irais. Donc c'est une île. Par contre, là, il y a des frontières et les relations entre le Burkina Faso, par exemple, et la Côte d'Ivoire sont très très tendues en ce moment, même s'il y a des négociations à Lomé. Et le risque, évidemment, on a tous en tête le spectre de 94 et de la guerre de la région des Grands Lacs, du Rwanda, etc. Donc en ce moment, tous les acteurs politiques, qu'ils soient européens, américains ou africains, essayent de sortir la Côte d'Ivoire de ce mauvais pas. Mais je suis relativement pessimiste aussi. Vous nous dites un mot, parce qu'on demande ça chaque semaine aux réalisateurs, de ce qu'est pour vous aujourd'hui, en ce moment, la situation du documentaire, pour vous, telle que vous la vivez. C'est facile, pas facile Pour le moment, moi, c'est très très difficile. Moi, je suis obligé de continuer à faire du montage dans les chaînes de télévision, sur des émissions, on va dire, quand même pas terribles, pour pouvoir bouffer, quoi, et payer mon loyer. Le documentaire, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la télévision. On peut pas faire de documentaire d'auteur. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de faire un documentaire d'auteur. C'est-à-dire d'être complètement libre, de filmer ce que je veux, et de faire un film d'auteur où je puisse raconter tout ce que je veux. Aujourd'hui, c'est pas possible, parce que soit on est censuré, soit on est contraint de rester dans des limites de temps, donc 52 minutes, c'est des formats bien définis. on est contraint d'avoir par exemple 30% de commentaires dans le film pour pouvoir faire les ventes à l'étranger, etc. Donc ça c'est des problèmes de production. Enfin, il y a tellement de contraintes qu'aujourd'hui, ben, un documentaire, on le mène tant bien que mal, mais on n'arrive jamais à ce qu'on souhaiterait faire. On est dans l'inévitable formatage, là. Inévitable, inévitable. Et donc, ben, pour pouvoir dépasser tout ça, il faut... moi, j'ai pris, enfin, j'ai décidé de faire 4, 5, 10 documentaires télé, on va dire, formatés, quoi, pour pouvoir me faire un nom et enfin réaliser mon premier documentaire d'auteur. Gaël Mocquer, bon courage pour tout ça. À bientôt. Merci, au revoir. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. Quiet as a church mouse and checking on your rights. The bus has hung you out to dry, and it looks as though we'll punish the monkey, let the organ grinder go. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.